Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent. Le vent au loin, le bruissement des feuilles, le ululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours ou rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de camp. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Feu de camp. Aujourd'hui, Camille nous emmène en Mongolie, un pays enclavé entre deux géants, la Russie et la Chine. Elle est partie à la rencontre des peuples nomades qui vivent encore dans ces immenses steppes, malgré une mondialisation de plus en plus intense et un appel des jeunes générations à la sédentarisation. Ce mode de vie, aussi fascinant et riche que difficile, est plus que jamais ces dernières années une période charnière de son existence. Combien de temps existera-t-il encore ? Merci à elle de venir partager son aventure dans Feu de camp. Je vous laisse écouter son récit. Je suis Camille, j'ai 26 ans, bientôt 27. Je suis régisseuse, je travaille sur des tournages. Dans mon enfance, j'ai pas eu l'occasion vraiment beaucoup de voyager avec mes parents. Ils avaient pas trop de sous pour nous faire voyager. Donc non, tous les ans pendant l'été, j'allais chez ma grand-mère qui était dans le sud. Et voilà, on passait les 2 mois d'été avec mon frère là-bas. Et sinon, des voyages scolaires quoi. Mais j'ai pas dépassé l'Italie ou le Portugal par exemple. J'ai toujours eu envie d'aller plus loin que ce que je connaissais déjà. Mais j'avais pas forcément l'occasion, notamment financièrement. Et c'est vraiment quand j'ai commencé du coup à travailler que j'ai pu mettre un peu de côté et faire mes projets perso et des voyages perso du coup, sans compter sur mes parents ou quelqu'un d'autre qui pouvait organiser ou me payer le voyage. Et la Mongolie, c'était mon premier gros voyage. Avec une amie, on voulait partir quelque part, on n'avait pas trop d'idées au départ. Et elle m'a conseillé la Mongolie parce qu'elle avait fait du cheval quand elle était enfant, ado. Et du coup, c'était un peu le pays du cheval, dans les steppes, etc. Et du coup, elle me l'a proposé. Je me suis renseignée sur le pays et en 3 semaines, on a pris les billets et puis on est parti sans rien avoir organisé. Moi, j'étais jamais partie en voyage et du coup, c'était une première quoi, un saut dans le vide, mais c'était super agréable en fait. Je réalisais pas du tout que j'allais partir en fait, je me laissais plus guider quoi. On s'était un petit peu renseigné sur ce qu'on voulait faire, sur ce qu'il était possible de faire. On avait acheté comme beaucoup de gens le Lonely Planet. Après on n'avait rien booké, on avait quand même simplement booké les 2 premières nuits d'arrivée à Ulaanbaatar. Ne rien organiser, ça fait partie de l'aventure, je pense, quand on va en Mongolie, on sait qu'on va pas être dans le confort et on sait qu'on va pas être dans le contrôle absolu de tout, donc c'est ça aussi qui est important et qui amène à la rencontre ou, je sais pas, à l'inattendu, et c'est ça qui fait ce qui est intéressant. Le jour du départ, moi j'ai pas beaucoup pris l'avion, donc déjà de prendre l'avion pendant 12 heures, c'était déjà énorme quoi. Je crois que comme beaucoup de gens, je crois que j'ai un peu des appréhensions, je sais pas, de manquer l'avion, ou je sais pas, il y a beaucoup beaucoup de contrôle, moi j'aime pas beaucoup me faire contrôler. Et il y a un truc aussi, c'est que tout le monde avait l'air de trouver ça très normal de voler à des kilomètres dans le ciel. Mais en fait, moi, je badais pendant tout le vol, de me dire, mais c'est incroyable de défier la relativité et le temps, parce que du coup, je sais pas ce qu'on fait au temps, on en gagne ou on en perd, mais en tout cas, c'est pas un truc complètement naturel ce qu'on est en train de faire et personne a l'air de s'en apercevoir. Mais bon, bref, une fois passé ce cap-là, quand je suis arrivée à Ulaanbaatar, c'était... je sais pas, je réalisais pas, j'avais l'air d'être complètement émerveillée partout, il faisait super gris, Ulaanbaatar c'est pas la plus jolie ville du monde, je sais pas, je trouvais tout merveilleux, les gens merveilleux, même s'ils me disaient seulement bonjour ou des choses comme ça. Les Mongols, ils sont pas spécialement doués pour les villes. Non, c'est pas... Il faut pas aller en Mongolie pour voir des villes, quoi. C'est hyper pollué et tout ça, mais c'est pas terrible, la ville. Mais c'était pas pour ça qu'on y était, donc. On a passé les 2 premiers jours, du coup, à organiser la suite. Dans l'avion, on s'est fait un espèce de planning idéal, c'est-à-dire... En 2 parties, la première partie en cheval, un trek en cheval, et la deuxième partie, un trek dans le désert de Gobi en 4x4. Et du coup, en arrivant, on a essayé d'organiser tout ça, et en 2 jours, c'était fait, quoi. Et après, il nous suffisait de repérer la gare routière à Ulaanbaatar pour pouvoir prendre le bus jusqu'au départ du trek, qui était à 8 heures de route, quand même, de Ulaanbaatar, donc... Après, ça s'est fait assez vite, quoi. Quand on est arrivé à, du coup, l'ancienne capitale qui s'appelle Karkorin, où on devait démarrer le trek, on est allé directement au Hara pour qu'il nous donne nos chevaux, en fait. Moi, j'avais une petite appréhension, je vais pas le cacher, avec le cheval, mais qui a vite été balayée, puisqu'en fait, il n'y avait pas le temps pour les appréhensions. Puisqu'au bout d'une demi-heure, déjà, il nous faisait galoper sans bombe, sans rien. La sécurité, c'est pas le truc des Mongols. Donc on s'adapte, hein. Et en fait, je tenais sur la selle, donc c'est ce qui comptait. Mais c'était génial. Le fait de galoper dans les steppes comme ça, c'est une sensation que pour l'instant, j'ai retrouvée nulle part ailleurs. C'est vraiment la liberté pure, quoi. En fait, je sais pas trop comment décrire les paysages en Mongolie, mais c'est comme si on voyait quelque chose qui était là déjà il y a 2000 ans et qui n'avait pas bougé. C'est assez rare de voir un paysage tout autour de soi, à 360 degrés, à 1 km à la ronde, qui n'a pas été touché par l'homme, quoi. C'est incroyable de voir ça. L'impression d'être seul au monde, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, enfin c'est l'univers et toi t'es l'univers, enfin c'est hyper spirituel de dire ça comme ça, mais en fait c'est ça, c'est un espèce de sentiment d'unité, quoi. Le rapport au temps est différent d'abord, parce qu'on n'est pas dans des journées où on doit faire des choses absolument, donc déjà on se réveille le matin, on n'est pas pressé, et juste de regarder le paysage, enfin t'apprécies les choses autrement. Enfin, on n'est pas pressé, si on veut, on fait du pas toute la journée, si on veut, on peut galoper pendant 2 heures, quitte à épuiser les chevaux, mais enfin, en soi, on fait un peu ce qu'on veut, mais après, peut-être que ça ennuierait certaines personnes, hein. Moi, je m'extasiais de tout, pratiquement, il y avait vraiment des moments, bien sûr, où c'était épuisant, et j'avais juste envie d'être au chaud dans un bain ou dans un lit avec un matelas. Le confort n'était pas là, mais on n'était pas là pour le confort non plus. La journée, on faisait entre 3h et 5h de cheval par jour. Tous les soirs, on dormait dans des yourtes avec les familles. Tous les soirs, une famille différente. On dormait avec eux, ils nous préparaient... Des petits tupperwares pour le déjeuner du lendemain. Et ce qui est drôle, c'est que la première nuit en yourte où on est arrivé, en fait, c'était pas vraiment prévu. Et du coup, la famille a tué un mouton pour nous. Et du coup, ce qu'il faut manger en premier quand on tue un mouton, ben, c'est les abats. Du coup, voilà, c'est des moutons qui vivent en plein air, hein, qui survivent à moins 50, qui mangent ce qu'ils trouvent, quoi. Donc voilà, c'est pas du petit mouton doux et tendre, c'est du mouton qui a du goût, on va dire. Et donc c'était un peu compliqué. Mais bon, on a goûté, voilà. On a fait marrer les Mongols, tout va bien. Et en fait, tout a le goût de mouton parce que ils vivent avec ça, quoi. Donc, ils font tout cuire dans le jus du mouton. Ils mangent principalement de la viande, donc du mouton, et du riz, des pâtes ou des patates. Après, ceux qui ont un peu plus d'argent, ils peuvent acheter quelques légumes ou quelques aromates. Mais sinon, la base, c'est riz, pâtes, patates, mouton. Et c'était ça tous les jours à tous les repas. On dormait dans la même yourte qu'eux, donc souvent le père et la mère, ils avaient leur lit. Et puis nous, du coup, on dormait par terre, un peu au milieu de la yourte. On pouvait être à, je sais pas, 8 dans la yourte. Hein. Et c'était pas plus mal parce qu'il faisait pas chaud. Et sinon, avec eux, souvent on... C'est un temps un peu lent en fait, donc on les regarde faire souvent, on les regarde faire à manger, on les regarde discuter. La communication n'est pas forcément présente tout le temps. Les deux premiers jours, on avait un traducteur, donc on pouvait leur parler un peu, mais ils ont aussi beaucoup de choses à faire. Ils ont des gros troupeaux, donc ils ne sont pas forcément tout le temps là pour nous à répondre à des questions ou je sais pas. Et sinon, on jouait. On jouait aux cartes. Ils connaissaient le président. Donc on jouait aux cartes. Et ils nous ont appris un jeu avec les doigts où c'est... Bah, c'est une espèce de bataille de doigts, un peu comme le pierre-feuille-ciseau, quoi. Mais le jeu, c'est bien pour communiquer. Ça casse un peu peut-être de la timidité aussi au départ. Mais... Dans certaines familles qui étaient un peu plus riches... Ils ont en fait une batterie de voiture qui alimente une lampe ou un frigo pour ceux qui ont un peu d'argent. Et du coup, on peut rester un peu plus tard à discuter. On mange vers 19h et on joue ou ils boivent des coups. Ou voilà. Mais on se couche jamais très tard, hein, d'abord. Après, dans certaines familles qui avaient vraiment pas de sous, ça nous est arrivé de manger à 17h30 et du coup... Dès que la nuit tombait à 18h30, et ben, c'était l'heure de dormir, quoi. Parce que du coup, on voyait plus rien, donc il n'y avait plus rien à faire. Le rapport aux Mongols, au départ, il a été un peu bizarre. Pas parce qu'on est des femmes, mais parce qu'on est blanches, plutôt. Et que notamment mon amie est très blonde, et qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de voir des blondes. Que moi, j'avais les cheveux courts à l'époque. Donc je pense qu'on nous regardait un peu bizarrement. Il n'y a pas tant de touristes que ça. Donc on arrivait avec nos gros sacs de randonnée. On nous regardait un petit peu bizarrement, mais bon, soit. Les guides, en fait, je pense qu'ils ne se rappelaient pas notre prénom. Et du coup, ils nous avaient donné des surnoms. Dis-nous quel est ton petit surnom, Géraldine. Je ne sais pas de quoi tu parles. Charka. Charka, ça veut dire la blonde. Et tout. Ah. Mais maintenant, il m'appelle Charky. Genre blondasse. C'est personnalisé. Ouais, un peu. Je suis et moi, c'est heureuse. Quoi Curly. Borchak, je crois. Je sais plus si c'est Borchka ou Borchak. Ça, c'est Curly. Ça veut dire bouclé. Curly. On apprend le mongol, alors. Grave. Bah, au moins, par les vannes. Je vais dire bah, c'est vrai qu'en arrivant en Mongolie, dans les yourtes, on s'imagine tout de suite un cadre de vie idyllique, un peu écologique, avec des grands idéaux et tout ça. Mais quand on est forcément dedans, on voit que les gens, ils se posent pas forcément ce genre de questions. Ils ont ce mode de vie depuis longtemps et ils vivent comme ça. Et c'est pas forcément un choix, je veux dire. Faut pas espérer rencontrer un guide spirituel ou quoi. Ça peut arriver, mais la plupart des gens... qui sont dans les yourtes, c'est pour suivre la tradition et parce qu'ils ont connu que ça et c'est leur mode de vie. C'est pas comment ça s'appelle, le retour en terre inconnue, je sais pas quoi. Dans les steppes, il y a, je pense qu'il y a un petit souci avec l'alcool pour certains, comme dans pas mal de campagnes où peut-être il y a de l'ennui ou je sais pas. Donc ça nous est arrivé plusieurs fois de tomber sur une personne de la famille qui était vraiment bourrée, quoi. Elle débarque dans la yourte, elle renverse le lait caillé ou quoi, et c'est... Du coup, il y a un petit blanc, on est un peu mal à l'aise pendant 2 minutes. Après, il y a une dame qui vient le chercher en disant « Sorry, sorry, sorry !» Et puis ils partent, et puis voilà, ça passe, quoi. Au milieu du trek à cheval, on a visité un monastère. Et dans le monastère, il y avait des moines qui méditaient. Et ils faisaient des chants, un peu, avec des cloches et tout ça. Il y avait une façon de rentrer dans le monastère et d'en ressortir. Fallait pas leur tourner le dos. Fallait rentrer sur la droite, ressortir sur la gauche, etc. Et ce qui est drôle, c'est que le jour de la visite du monastère, c'était mon anniversaire. Je fêtais mes 25 ans. Il y avait une petite grotte qui ressemblait plus à de la spéléo. Enfin, fallait vraiment ramper dedans. Et c'était la grotte de la Renaissance. Et en fait, pour renaître, il fallait ramper dedans. Les femmes devaient faire demi-tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et revenir. Et les hommes dans le sens des aiguilles d'une montre et revenir. Et du coup, je l'ai fait pour mes 25 ans, ce qui était assez symbolique. Je suis née à nouveau dans cette grotte de la Renaissance qui était symbolisée comme un vagin de la Renaissance. Formidable. Ça va, Camille ? Ouais. T'arrives à tourner ? C'est un peu compliqué, mais ça va. C'était assez... Elle renaît pour ses 25 ans ! Wouhouhou ! Yeah. Happy birthday to you. Happy Renaissance. Birthday to you, Camille. Yes. Pip pip. 10 jours, c'est beaucoup, quoi. Au bout d'un moment, on en avait un peu marre, surtout quand il faisait un peu froid et moche, et on avait mal au cul, hein, tout simplement. Mais bon, c'était une expérience à refaire, j'en ferai peut-être un petit peu moins. Mais c'était quand même super. Après, à la fin du trek, quand on est rentré du coup à l'ancienne capitale Kharkhorine, meilleure douche de ma vie, du coup, après 10 jours, c'était incroyable. Et on a dormi dans des lits, même si c'était pas... avec un grand matelas, enfin, c'était quand même appréciable. On est retourné à la capitale, on s'est reposé pendant 3 jours, avant de reprendre un autre trek pour le désert de Gobi, mais cette fois-ci en 4x4. C'était très différent finalement le trek de Gobi avec le trek au cheval, puisque d'un coup on arrivait à faire des journées pratiquement de voiture en fait. Alors que pour le cheval, le rapport au temps était différent puisqu'on faisait du cheval, donc ça allait plus vite qu'à pied mais moins vite qu'en voiture. Et mais on était à l'air libre, quoi. On allait au rythme qu'on voulait, alors que là on se laissait guider par la voiture, et finalement c'était que des paysages qui défilaient à travers la vitre. Les journées étaient plus monotones que pour le cheval. J'ai toujours un peu ce regret de ne pas rester assez longtemps. Parce que du coup, ça fait un peu comme si c'était superficiel. On fait que passer. Pour vraiment, je pense, s'imprégner de la culture, faut rester un moment avec les gens. Et bon, ça, après, faut en avoir aussi la possibilité, le temps, l'argent, tout ça. Toutes les choses de la vie quotidienne, quoi. Mais à refaire, peut-être que je ferai les choses un peu plus... peut-être un peu plus toute seule. C'est un peu difficile de débarquer en Mongolie comme ça, parce que on nous propose que vraiment des tours organisés. C'est très difficile de s'organiser tout seul parce que d'abord il y a des gros axes routiers, mais sinon dès que tu t'éloignes un peu de ça, c'est quand même compliqué de se repérer dans les steppes. Donc à part si t'es vraiment super fort en, en orientation, c'est quand même pas super conseillé. Puis quand t'es une fille, tu peux avoir d'autres problèmes aussi. En Mongolie, on n'a pas du tout eu de problème en tant que fille. Pas du tout. Et au contraire, dans les yurts, les tâches sont très... Enfin, on a vu très bien faire des hommes faire la cuisine. On a vu des femmes au troupeau. Les deux parents s'occupent des enfants. Les enfants, c'est fou comme ils sont dégourdis. On voyait des bébés qui jouaient avec des couteaux, qui jouaient à côté du poêle et tout ça. Et en fait, le rapport à la sécurité est très, très différent. Et ça fait du bien, en fait. Moi, je me suis rendu compte vraiment que, par exemple, en France ou dans les sociétés un petit peu dites occidentales, on est hyper assuré, enfin tout est assuré, tout est sécurisé. Bah, ce qui était différent entre les deux treks, c'est que pour le désert de Gobi, on avait clairement moins de contact avec les locaux. Je sais pas si c'était moins de contact, parce qu'on était quand même toujours avec notre chauffeur qui est mongol. C'est pas vraiment un guide comme on l'imagine, qui nous dit toute la journée « Alors vous savez, nous les Mongols, on fait ça comme ça, on fait ci, on fait ça. » Enfin, il parlait pas trop anglais. Donc voilà, il nous emmenait dans les lieux, il nous montrait les paysages. Et voilà. Après, chez les familles, on était toujours bien accueillis, on avait... Cette fois-ci, un peu plus de confort. On avait en général une yourte pour nous. On dormait sur des lits. Donc, c'est planches de bois couverture. Et ils nous rallumaient le feu le matin. Avec les crottes de mouton dans le poêle. C'est un bon combustible. Et par contre, les paysages étaient très différents dans le désert de Gobi. On a vu beaucoup de choses vraiment, vraiment très belles. Et il commençait à faire très froid. C'était début octobre. Et la nuit, ça pouvait descendre à moins 10. Sur le chemin, il a commencé à neiger. Et en fait, la direction de la voiture a pété. Donc en pleine tempête de neige, on avançait tout droit. On pouvait plus tourner. Et c'était quand même très embêtant. Dans le nouvel épisode d'aujourd'hui, la voiture ne marche plus. Enfin, elle avance, mais elle ne tourne plus. Il n'y a plus de direction. Donc nous sommes en plein désert de Gobi, il neige, et du coup pour avancer jusqu'à la prochaine famille, il y en a deux qui se relaient pour taper sur les roues. Méthode complètement inefficace, on s'en est rendu compte assez vite, on ne savait pas trop quoi faire. La dernière yourte qu'on avait vue, elle était à genre 10 km. On n'a pas de réseau, sinon c'est trop facile. Donc, Dashka, le guide, est parti avec Jérém et Gégé à la yourte la plus près, mais on ne sait pas combien elle est. Enfin, en gros, on est passé devant, mais peut-être 10 km. Donc là, ils sont partis sous la neige. Je sais pas combien il fait, mais il doit faire... Déjà, s'il neige, c'est qu'il fait zéro, donc... Et elle est peut-être à 10 km, donc ça veut dire 3-4 heures de marche. Donc moi, je reste toute seule dans la voiture avec Sam. Et on verra. Donc on est en suspense pendant bien 4-5 heures. Et puis peut-être qu'ils viendront nous chercher. Peut-être qu'on passera la nuit ici. Voilà. Suite au prochain épisode. Et au bout d'un moment, il y a un van russe qui est passé. Et donc qui avait rencontré nos amis. Et il nous a tracté. Et c'était hyper dangereux. Il y avait deux câbles qui étaient attachés entre les deux voitures. Et en fait, la voiture de notre guide, elle faisait des zigzags derrière le van russe, parce qu'il n'y avait aucune direction, donc juste à se laisser complètement guider. Donc on entendait régulièrement le câble se tendre. À un moment donné, il y a un des deux câbles qui a cassé. Donc au final, ils ont choisi de laisser la voiture de notre guide. Et ils nous ont demandé... de les indemniser pour la journée. C'était des chercheurs d'or, ils avaient la petite machine pour chercher de l'or dans le désert de Gobi, c'était drôle. Et en fait, ils nous ont amenés à la yourte où on devait aller le soir même. Le lendemain, c'est les gens de la yourte en fait, qui nous ont fait visiter le site. Et notre guide est allé réparer lui-même sa voiture. Enfin, c'était compliqué. Mais franchement, moi, à un moment donné, je me suis dit... C'est chaud parce qu'on est au milieu de nulle part. Il neige. Et ça peut durer très longtemps. On peut passer la nuit ici, en fait. Parce que s'il n'y a personne dans la yourte à 10 km, je sais pas combien de temps faut marcher. Après, on avait de la bouffe, de l'eau, mais... Mais bon, voilà. Ma pote était complètement détendue. Moi, je me suis dit, pour l'instant, ça va, mais faut pas que ça dure trop longtemps. Ça s'est réglé finalement assez vite. Donc tout allait bien. Les jours, ils étaient un peu monotones, c'est-à-dire que on vivait au même rythme que les Mongols, mais on vivait pas les mêmes choses qu'eux, c'est-à-dire qu'on les aidait pas du tout au troupeau. On a demandé plusieurs fois, notamment pour le trek à cheval, si on pouvait faire quelque chose, les aider à faire à manger, les aider avec le troupeau, etc. Et en fait, ils veulent pas, peut-être parce qu'ils ont peur qu'on fasse pas bien les choses avec les animaux, ou ils ont plutôt une culture de l'accueil, et du coup ils veulent pas qu'on participe à des corvées, quoi. On n'a pas rencontré beaucoup, beaucoup de touristes à ce moment-là, donc ça c'était vraiment appréciable. On a rencontré une fois un touriste australien un peu poète maudit, blond, qui se trimballait tout le temps avec un énorme bouquin. Et on était au resto à un moment donné. Et nous, on en avait marre de manger de la viande. Du coup, on a demandé un menu, tu sais, avec une omelette et tout ça. Et il nous a sorti devant tout le monde. Qu'est-ce que vous faites dans ce pays si vous mangez pas de viande ? Enfin, mais la réflexion, mais con, mais rien à voir, enfin... Mais j'ai trouvé ça hallucinant, quoi. J'ai encore du mal à comprendre comment des gens qui voyagent peuvent être un peu fermés d'esprit. Et ça existe quand même, c'est relou. Quand on est revenu du trek du désert de Gobi pour rejoindre Ulaanbaatar, ça sentait vraiment la fin. Donc d'un côté, il y avait un petit peu de nostalgie, mais d'un autre côté, on était quand même contents de rentrer... un peu se rassurer dans nos repères confortables, occidentaux, etc. Et donc on a passé un ou deux jours à Ulaanbaatar avant de reprendre l'avion. La Mongolie, c'était incroyable. Là. Il commençait vraiment à faire froid, genre zéro. Et du coup, on était un peu content de partir, mais un peu triste aussi de partir, parce que on serait bien resté plus longtemps pour voir autre chose de la Mongolie, mais ce sera pour un autre voyage. À chaque fois, sur tous les voyages d'un mois, on a l'impression que les deux premières semaines passent très lentement et les deux dernières semaines où ça passe super vite. Donc au final, on est toujours un peu triste de partir. Dans l'avion, c'était hyper long. On avait une escale de 12 heures à Pékin, donc on a erré dans l'aéroport de Pékin pendant 12 heures. C'était très bizarre parce qu'il était complètement vide quand on est rentré à Paris. Un truc qui nous a vraiment manqué, c'est le pain et le fromage. Du coup, on a pris un petit déjeuner. Et la vie quotidienne a repris très vite son cours. J'étais vraiment fière de moi d'avoir fait notamment le trek à cheval. J'avais quand même des envies nouvelles de changement. Parce qu'à cette époque-là, je travaillais dans un restaurant, j'étais serveuse. Et j'avais vraiment envie de passer à autre chose, même si j'y suis restée ensuite encore quelques mois. Mais ça m'a quand même donné confiance, disons, sur ma capacité d'adaptation. Et sur le fait que je sois capable de faire des choses par moi-même, de me débrouiller, en fait, tout simplement. Et ça m'a aussi fait prendre conscience... qu'on n'a pas besoin de grand chose. Et que finalement, peut-être que trop de confort, c'est ça le piège. C'est ça qui nous fait rester dans une situation qui nous plaît pas forcément, parce que c'est confortable. Moi, je me suis rendu compte que dans les yourtes, les lits, ils étaient pas du tout confortables. La plupart du temps, on avait froid. Mais du coup, en fait, on faisait beaucoup plus de choses. On allait à l'extérieur, on profitait beaucoup plus des animaux, on allait se promener, on était beaucoup plus actifs parce qu'on ne se posait pas. Après, ça fait du bien de se poser de temps en temps, mais voilà, faut trouver l'équilibre, faut trouver le juste milieu, mais je pense que des fois, on est trop confortable et qu'on a du mal à se défaire de situations qui nous plaisent pas forcément, qui sont pas épanouissantes, mais qui sont confortables. Mais je pense que maintenant, le voyage est ouvert à beaucoup de monde. Donc, beaucoup de monde tente l'aventure du voyage. Et c'est finalement un peu naïf, comme je le disais tout à l'heure, de penser que c'est que des gens hyper ouverts d'esprit, hyper aventuriers, qui vont voyager. Parce que non, il y a toutes sortes de personnes, comme partout d'ailleurs. Mais je pense vraiment que si on sort un peu de nos carcans, de notre zone de confort, et nous bousculer un peu dans nos certitudes ou nos principes ou quoi, et juste de ne pas juger l'autre parce qu'il ne fait pas pareil que nous. Et c'est déjà pas mal. Juste de s'accepter un peu en tant qu'humain, enfin c'est... On fait tous partie de la même planète. On peut se reconnaître dans chacun de nous. Quand on regarde quelqu'un dans les yeux, on voit a priori quelqu'un avec tous les jugements qu'on peut avoir. Mais si on regarde un peu plus loin dans le fond de ses yeux, finalement, on est tous pareils. On a des émotions qui sont totalement universelles. Voilà, je pense que c'est la seule chose qu'il faut regarder et qui apporte du bonheur. Si j'avais juste quelque chose à te dire pour conclure, ce serait même pas forcément sur le voyage, ce serait plus de dire que tout est possible, que si on se donne les moyens, tout est possible, et que du coup, genre, faites juste ce que vous avez envie de faire. Et j'ai pensé à un truc l'autre fois, c'est que on pense des fois qu'en galérant maintenant, ce sera mieux après, alors que pas forcément. Donc pourquoi galérer maintenant en n'ayant aucune garantie que ce soit mieux après? Essayons d'être bien maintenant et il y a plus de garanties que ce soit bien aussi après. Donc voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Merci à Camille d'être venue autour du feu nous parler de son voyage en Mongolie. Comme pour chaque épisode de Feu de camp, elle vous propose également ses références qui ont changé quelque chose en elle, en espérant que peut-être l'une d'entre elles vous touchera aussi. Tout d'abord, Camille vous recommande la lecture de La Horde du Contrevent, d'Alain Damasio. Ce roman est un des incontournables de la science-fiction et raconte l'histoire de la 34e Horde du Contrevent dont la mission est de parcourir un monde balayé par les vents. Dans quel but ? Celui d'atteindre l'extrême amont, la source de tous ces fameux vents. A noter que dans sa première édition, le livre était disponible avec une bande originale composée par Arnaud Alivan, qui est maintenant disponible sur Spotify. Alain Damasio a également participé à une conférence TEDx sur le transhumanisme, disponible sur YouTube et que Camille vous recommande également. Pour sa deuxième recommandation, Camille vous conseille Le Petit Prince, publié en 1943 et écrit par Antoine de Saint-Exupéry. C'est le deuxième ouvrage au monde le plus traduit après la Bible. Vous le connaissez tous, on ne présente plus cette discussion entre une grande personne, l'aviateur, et le petit prince, dans laquelle il lui raconte sa vie sur sa planète et son passage sur la Terre. Conte philosophique et invitation à retrouver l'enfant qui est en soi, pourquoi ne pas glisser ce livre dans votre sac de voyage, contexte qui se prête bien à la découverte ou redécouverte de ce roman hors du commun. Enfin, dans votre kiosque préféré, n'hésitez pas à aller feuilleter un numéro de Nexus, un magazine d'information indépendant et sans publicité qui vous livrera une information réelle et authentique sur divers sujets de science, santé, énergie, géopolitique et encore beaucoup d'autres. Une façon d'ouvrir son regard un peu différemment que via les médias traditionnels. Cet épisode de Feu de camp est maintenant terminé. Merci à Camille d'avoir partagé un bout de son histoire avec nous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, notez le podcast sur iTunes ou bien le suivre et le commenter sur ses réseaux sociaux, Instagram et Facebook. À bientôt pour un nouveau feu de camp.